Mademoiselle, que voulez-vous donc? S'écria Madame Vauquer. Je suis ruinée. Vous ne pouvez pas rester. Ils vont en venir à des actes de violence. Mademoiselle Michonneau se leva. Elle s'en ira. Elle ne s'en ira pas. Elle s'en ira. Elle ne s'en ira pas. Ces mots, dits alternativement, et l'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle, contraignirent Mademoiselle Michonneau à partir, après quelques stipulations faites à voix basse avec l'hôtesse. « Je vais chez Madame Buneau, » dit-elle d'un air menaçant. « Allez où vous voudrez, mademoiselle, » dit Madame Vauquer, qui vit une cruelle injure dans le choix qu'elle faisait d'une maison avec laquelle elle rivalisait et qui lui était, conséquemment, odieuse. « Allez chez la Buneau. Vous aurez du vin à faire danser les chèvres et des plats achetés chez les regrattiers. » Les pensionnaires se mirent sur deux fils dans le plus grand silence. Poiret regarda si tendrement Mademoiselle Michonneau. Il se montra si naïvement indécis, sans savoir s'il devait la suivre ou rester, que les pensionnaires, heureux du départ de Mademoiselle Michonneau, se mirent à rire en se regardant. « Xic, xic, xic, Poiret !» lui cria le peintre. « Allons, houpe là, aoup !» L'employé au muséum se mit à chanter comiquement ce début d'une romance connue. « Partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois. Allez donc, vous en mourrez d'envie. Traitsua quamque voluptas, dit Bianchon. Chacun suit sa particulière. Traduction libre de Virgile, dit le répétiteur.